le Seigneur te bénisse. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you for blessing the king. Merci de bénir le roi. Thank you the worship team. Merci à l'équipe d'adoration. The Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Let us lift up our hands. Lève nos mains. Let us lift up our hands as we begin to pray. Lève nos mains comme nous commençons la prière. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Mighty Father, Père Tout-Puissant, the God of Abraham, le Dieu d'Abraham, the God of Isaac, le Dieu d'Isaac, the God of Jacob, le Dieu de Jacob, the God of Elijah and Moses, le Dieu d'Élie et de Moïse. Father, you are our God here today. Père, tu es notre Dieu ici aujourd'hui. And I declare in the name of Jesus. Et je déclare dans le nom de Jésus that there is no other God in France. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu en France. I repeat, Jehovah. Je répète, Jehovah. That there is no other God in France. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu en France. Except Jehovah. Sinon, Jehovah. The God of our Lord Jesus. Le Seigneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Lord, today. Seigneur, aujourd'hui, even as we come before you, alors que nous venons devant toi, Father, grant this meeting your grace. Seigneur, accorde ta grâce à cette réunion. Cover this meeting with your favor. Couvre cette réunion avec ta faveur. And help these people. Et aide ce peuple. That their spiritual ears, afin que leurs oreilles spirituelles, may be opened. Soient ouvertes. That they may hear from you. Afin qu'ils puissent écouter de ta part. Father, wherever they have come from. Père, peu importe d'où ils sont venus. It will now not matter at all. Ça sera plus important ce moment-ci. But what will matter here. Mais ce qui sera important ici. Is that Jesus was crucified. Parce que Jésus a été crucifié. And he resurrected. Et qu'il est ressuscité. And he's seated on the right hand side of the Father. Et il est assis à la droite du Père. And he's the King of all kings. Et il est le roi de tous les rois. And the Lord has made him the Lord and the Christ. Et le Seigneur l'a fait roi et Seigneur et Christ. And he is the Messiah. Et il est le Messie. That is coming back for the church. Qui revient pour l'Église. Father, take authority here. Père, prends autorité ici. And arrest their minds. Arrête leurs pensées. Arrest their hearts. Arrête leur cœur. And speak to them. Et parle à eux. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Let us clap to the Lord. Acclamons le Seigneur. Let us clap to the Lord. Acclamons le Seigneur. Let us clap to the Lord. Et tout le monde acclame le Seigneur. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. What a mighty day. Quelle journée puissant. I want to start. Je vais commencer. By giving a lot of thanks. En remerciant beaucoup. A lot of thanks to our Lord Jesus. Je remercie abondamment notre Seigneur Jésus. For mercy. Pour sa miséricorde. For grace. Pour sa grâce. And for the blood of Calvary. Et pour le sang du calvaire. And I have a special announcement here today. Et j'ai une annonce spéciale ici aujourd'hui. If you did not know. Si vous ne le saviez pas. I am announcing today again. J'annonce aujourd'hui encore that if you were not aware, que vous n'étiez, si vous n'étiez pas au courant, the blood of Jesus, que le sang de Jésus, is still flowing today. Continue à couler jusqu'aujourd'hui. He can redeem you. Ça peut vous racheter. He can wash you. Ça peut vous laver. He can heal you. Ça peut vous guérir. Anytime. À n'importe quel moment. Until that day. Jusqu'à ce jour. When the door will be closed. Jusqu'au jour où la porte sera fermée. The day of the rapture of the church. Le jour de l'enlèvement de l'église. I want to start today. Je vais commencer aujourd'hui. By giving thanks to the Holy Spirit. De remercier le Saint-Esprit. That he has organized this meeting. Il a organisé cette réunion. In this precious nation of France, dans cette nation précieuse de la France, it took the mighty hand of the Holy Spirit, ça prend la main puissante du Saint-Esprit, even for us to be gathered here today. Même pour que nous puissions nous réunir ici. And so we must always give thanks to the Holy Spirit. Alors, nous devons toujours rendre grâce au Saint-Esprit. Because only to him has power been given. Parce que c'est seulement à lui que la puissance a été donnée. Power to prepare the church. La puissance de préparer l'église. He is the mighty arm of God Almighty. Il est la main puissante du Dieu Tout-Puissant. I want to bless our Father in heaven. Je vais bénir notre Père dans les cieux. That he released Jesus of Nazareth. Il a donné Jésus de Nazareth. That he permitted Jesus, the King of Heaven. Il a permis à Jésus, le roi des cieux. The darling of heaven. La perle du ciel. The one and only begotten Son of God. Le fils unique de Dieu. Hallelujah. The one and only darling of heaven. Le seul et unique perle du ciel. The one with the glorious feet. Celui qui a le pied en or. I remember the day he walked across the sky for me. Je me rappelle le jour qu'il a marché dans les nuées pour moi. Every footprint remained glory, glory, glory, glory, glory, glory. Marquer la gloire, la gloire, la gloire. And after heaven opened and he entered. Après le ciel s'est ouvert, il est rentré. I could see everywhere his step, the glory was still there. Je pouvais regarder partout, il avait marché, la gloire restait là-bas. That the Father could release the King of Glory. Afin que le Seigneur, le Père puisse relâcher le roi de gloire. To come and be abused on the cross. Afin qu'il puisse venir et être abusé sur la croix. I have to thank the Father. Je dois remercier le Père. I will never stop thanking him. Je n'arrêterai pas de remercier le Père. For allowing the darling of his heart. D'avoir permis au bien-aimé de son cœur. To come and be abused by a mere man, mere man. De venir et d'être abusé par les méchants, les hommes. The very ones he came to save. Les mêmes personnes qu'il est venu pour sauver. We have to thank the Father every day. Nous devons remercier le Père tous les jours. I want to take this chance also. Je voulais aussi remercier cette église. To thank Pastor Monquet. De remercier le Pasteur Monquet. Thank you so much, precious, mighty servant of the Lord. Merci beaucoup, précieux serviteur du Seigneur. Thank you so much for the humility and the humbleness. Merci beaucoup pour l'humilité et l'abaissement que tu as. Yesterday, I was meeting with my team after the meeting. Hier, je me suis rencontré avec mon équipe après la réunion. And we were talking about you. Et nous parlions de toi. And we were just overwhelmed. Et nous étions chaleureux. But how the Lord has prepared you. Nous étions touchés comment le Seigneur vous a préparé. In this very critical hour in the church. Dans cette heure critique de l'église. At this time. À ce moment-ci. This is when the true servants of God stand up. Dans ce moment-ci que les vrais serviteurs de Dieu doivent se tenir debout. And be counted. Et qu'ils soient comptés. I am a servant of the Lord. Je suis un serviteur du Seigneur. I am a servant of the Lord. Je suis le serviteur du Seigneur. I am a servant of the Lord. Je suis le serviteur du Seigneur. I am a servant of the Lord. Je suis le serviteur du Seigneur. But the critical test. Mais le test critique. Is when the hour arrives. C'est quand l'heure arrive. And then you look, who is still standing? Et quand tu regardes, tu dis, mais qui encore est debout comme serviteur? That is what determines whether you are a servant of the Lord. C'est ça qui va déterminer si tu es le serviteur du Seigneur ou pas. Many may say servant of the Lord, servant of the Lord, servant of the Lord. Plusieurs peuvent dire serviteur du Seigneur, serviteur du Seigneur, serviteur du Seigneur. But the true test. Mais le vrai test. Is that when the hour arrives? C'est que quand l'heure arrive. Will you be found standing? Est-ce qu'on va vous trouver debout? Thank you so much, Pastor Monquet. Merci beaucoup, Pasteur Monquet. Even in this country. Même dans ce pays. That you can be the beacon of hope. Afin que tu sois un espoir même. That you can be the little window of hope. Que tu sois une petite fenêtre d'espoir. For the nation and the country of France. Pour la nation et pour le pays de la France. I am always examining and studying and praying. Je suis en train d'examiner, de vérifier, de prier. And trying to understand. Et d'essayer de comprendre. The nature of Jehovah. La nature de Jehovah. Remember in the Bible. Rappelez-vous que dans la Bible. He says to my people, I show my miracles. Il dit à mon peuple, je révèle mes miracles. miracles. But to my servants, the prophets, I show my nature. Mais à les prophètes, je demande ma nature. So I am always seeking to know more about his nature. Alors je cherche plus à connaître sa nature. When I thought I had known a bit of his nature, quand je pensais que je connaissais un peu de sa nature, then I am surprised. Alors j'étais surpris après. But one thing stands out. Mais il y a quelque chose qui vient. This God we worship. Ce Dieu que nous adorons. He must surely be very humble. Il doit vraiment être un Dieu très humble. He must be very, very humble. Il doit être très, très humble. Thank you, Pastor Moke. Merci, Pastor Moke. For the humbleness the Lord has built in you. Pour l'humilité que le Seigneur a bâti en toi. I want to thank the other pastors who are here. Je veux remercier les autres pasteurs qui sont ici. I want to bless the pastors who are in attendance here. Je vais bénir les pasteurs qui sont présents ici dans la salle. Pastor Denis is somewhere here. Le pasteur Denis est quelque part ici. The Lord bless you with your wife. Que le Seigneur vous bénisse avec votre épouse. Thank you for coming here. Merci de venir ici. I know that Pastor Banza is here from the Netherlands. Je sais que le pasteur Banza est ici avec son épouse de la Hollande. And Pastor Mireille. Et Pastor Mireille. Thank you so much for coming. Merci beaucoup de venir. It is a very critical time in the church. C'est un temps vraiment critique à l'église. Even as you will hear what I'm going to share today. Même quand vous allez commencer à écouter ce que je vais partager ce soir. And he was speaking with me yesterday in the dream. Et hier la nuit, il parlait dans le rêve. Even throughout in this morning. Et même jusqu'à ce matin. About the Church of Christ in France. Concernant l'église de Jésus-Christ en France. So we are going to get very, very deep today. Alors nous allons aller en profondeur ce soir. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Now, precious people. Maintenant, précieux peuple. I began engaging you. J'ai commencé à vous engager. On the conversation, sur la conversation that the Lord is having with the church today. Que le Seigneur est en train d'avoir avec l'église aujourd'hui. And you see that it's a tremendous conversation. Et vous voyez que c'est une conversation extraordinaire. And you see that it's a conversation of gravity. Vous comprenez que c'est une conversation de grande gravité. You see that it's an urgent message to the church. Vous savez que c'est un message urgent pour l'église. And yesterday I began with the first part. Alors hier j'ai commencé avec la première partie. Where the Lord spoke about the wedding of the Lamb. Quand le Seigneur a parlé sur les noces de l'agneau. And I spoke about the vision of the wedding ring in the sky. Et j'ai parlé sur la vision des deux anneaux de mariage qui étaient dans le ciel. And I say very clearly. Et j'ai parlé de façon très claire. That Jehovah is not going to speak. Que Jehovah ne va pas parler. Unless he is speaking to the church of Christ. À moi qu'il était en train de parler à l'église du Christ. And I say. Et j'ai dit. He is not going to speak. Il va pas parler. Unless it lines up with his own word, the scripture. À moins que cela soit aligné avec sa propre écriture. He is very faithful to his word. Il est très fidèle à sa parole. And I say that Jehovah is not going to speak. Et je dis que Jehovah ne va pas parler. Except. Excepté que. That he centralizes holiness in the church. Avant qu'il puisse centraliser la sainteté dans l'église. Because he is holy. Parce que lui, il est saint. In his nature, he is holy, holy, holy. Dans sa nature, il est saint, saint, saint. He is a holy God. Il est un Dieu saint. The God of our Lord Jesus. Le Seigneur de notre Seigneur Jésus-Christ. And I say. Et je dis. That is the point of departure. Et ça, c'était un point de départ. Where the church departed from the ways of God. Quand l'église est détournée des voies du Seigneur. And that's why the fall came. C'est de là que la chute est venue. And that's why he had to send me. C'est pourquoi il devait m'envoyer. He said, run there and speak to her. Il a dit, cours là-bas et parle à elle. And I said that when he sent me. Et je dis que quand il m'a envoyé. He sent me with a lot of sadness. Il m'a envoyé avec beaucoup de tristesse. That if you don't speak to her, she'll miss the wedding. Il dit que si tu parles pas sur la, si tu ne parles pas, ils vont manquer l'enlèvement. And I say the point of departure. Et je dis que le point de départ. Is the point at which. Et c'est le point où. The church. L'église. The church of Christ. L'église du Christ. World over. Dans le monde entier. Forgot. Ils ont oublié. To line up everything with scripture. D'aligner toutes choses par rapport aux saintes écritures. The scripture is the foundation of the gospel. Les écritures sont la fondation de l'évangile. The scripture. Les écritures. The scripture. Les écritures. chrétien is actually the baseline. En fait, c'est la base même. Les Écritures. The scripture is the pillar. Les Écritures sont les piliers. The pillar of the church. C'est les piliers de l'Église. Without the scripture, sans les Écritures, the church will crumble. L'Église va s'écrouler. The scripture, les Écritures, is the basis of worship. C'est la base même de l'adoration. The scripture, les Écritures, the word, la parole. The scripture, les Écritures, is the mirror for the church. C'est le miroir pour l'Église. That when you put the scripture, en fait, quand tu mets l'Écriture, you can be able to see yourself. Tu seras capable de te voir toi-même. And if there is a stain here, et si y a une saleté ici, then it will show you. Ça va te montrer. Then you can clean it up. Après, tu peux enlever cela. If there is a dot here, si y a une tache ici, when you use that mirror, quand tu vas utiliser ce miroir, then you can see it. Alors tu peux voir cette tache. Then you can clean it. Alors tu peux nettoyer cela. But the church, mais l'Église, for many centuries, pendant plusieurs siècles, has forgotten, a oublié, to centralize the word. De centraliser la parole. And so many people have come. Alors plusieurs personnes sont venues. Oh, God is going to bless you. Oh, Dieu va vous bénir. Oh, God is loving you. Oh, Dieu vous aime. Oh, God is coming to do ABCD. Oh, Dieu va venir vous faire ABCD. He loves you now, it's well, it's done. Il vous aime tellement, maintenant tout va bien, tout est ok. When the church, quand l'Église, has actually, a en fait, been in sin, a été dans le péché. When the church, quand l'Église, has actually been in sin, a été en fait dans le péché. How possible? Comment est-ce possible? How is he going to bless you? Comment est-ce qu'il va vous bénir? When you are in sin, quand vous êtes dans le péché, in the church, dans l'Église. Today I don't have time. Aujourd'hui je n'ai pas assez de temps. Because everything must be said here. Parce que chaque chose va être dit ici. But that amounts to the abuse of the grace. Mais ça c'est l'abus de la grâce de Dieu. There is only one Calvary. Yes, there is one Calvary. There was one Calvary. Il y avait seulement un seul Calvary. There will not be another Calvary. Il n'y aura pas un autre Calvary. So we cannot receive Jesus. Nous ne pouvons pas recevoir Jésus. And then recycle to the world. Et puis recycler Jésus dans le monde. And then abuse the grace. Alors abuser même de la grâce. I shared. Hier, j'ai partagé. On the two wedding rings. Au sujet des deux anneaux de mariage. The mighty vision of God Almighty. La puissante vision de Dieu Tout-Puissant. The tremendous visitation of the Lord. Une visitation extraordinaire du Seigneur. When he presented the two wedding rings in the sky. Il a présenté dans le ciel deux anneaux de mariage. And I said that has a revelation. Que cela a une révélation. I say, je dis, that is the most critical threshold. Ça c'est un moment critique pour l'Église. That is the most critical juncture. C'est une jonction très critique pour l'Église. That the church can ever reach at. Que l'Église peut atteindre. Because, parce que, I say, je dis, at this juncture, à cette jonction, the church, l'Église, cannot continue, ne peut pas continuer, wavering between two gods, et vaciller entre deux dieux. She has to now decide, elle doit maintenant décider, at this juncture, à cette jonction ici, if Jehovah is God, si Jehovah est Dieu, then please worship Jehovah. Alors s'il vous plaît, adorez Jehovah. But if Baal is God, mais si c'est Baal qui est Dieu, then please go and worship Baal. Alors s'il vous plaît, allez adorer Baal. But at this junction, mais à cette jonction, you will not worship two. Tu ne peux pas adorer les deux. So we're going to have to make up our minds here today. Alors devons-nous décider aujourd'hui. He has sent me to you. Il m'a envoyé à vous. To ask you. De vous demander. To make up your mind. De rassurer votre esprit. To decide. Afin de décider. If Jehovah is God. Si Jehovah est Dieu. Then Jehovah. Alors adorons Jehovah. We cannot continue like before. Nous ne pouvons pas continuer comme avant. That is why he sent me here. C'est la raison pour laquelle il m'a envoyé ici. That is the meaning of the two wedding rings. Ça c'est la raison, le sens des deux anneaux de mariage. And he put them at the entrance to heaven. Et les a placés à l'entrée du ciel. The entrance. À l'entrée du ciel. The door. À la porte du ciel. What does that tell you? Qu'est-ce que cela voulait vous dire? That means there is need to enter through that door. Ça veut dire qu'il y a besoin d'entrer par cette porte-là. And that means. Ça veut dire. That there is no other way of entering. Il n'y a pas d'autre moyen d'entrer là-bas. Except through the wedding of the Lamb. Sinon de rentrer par les noces de l'agneau. That's why he put them at the door. C'est pourquoi il a mis ses anneaux à la porte. In other words, he said. En d'autres mots, il dit. Tell them. If they want to enter the kingdom of God, s'ils veulent rentrer dans le royaume de Dieu, let me just share with you a little bit about the kingdom of God. Laissez-moi partager un peu avec vous sur le royaume de Dieu. I have always told the Lord, j'ai toujours dit au Seigneur, that Lord, Seigneur, I wish, je souhaite, that your people, que ton peuple, could just see 100th, qu'ils puissent voir un centième, 1,000th, 1,000,000. Of what I have seen. De ce que moi j'ai vu. They will run and tremble. Ils vont courir et trembler. It is beautiful to have seen the inside of heaven. C'est beau d'avoir vu l'intérieur du ciel. And come back here and talk to you about it. Et de revenir et de vous en parler. It beats everything you have which is the best on earth. Ça surpasse tout ce que vous avez jamais vu sur la terre. It defeats all things you call best on earth. Ça surpasse tout ce que vous appelez meilleur sur la terre. And that's why. C'est pourquoi. When 900 trillion years are over. Quand les 1 trilliard d'années sera passé. 900 trillion years. 900 trilliard d'années. Eternity has not yet begun. L'éternité n'a même pas encore commencé. You cannot trade it off. Vous pouvez pas échanger cela. For these simple things of the earth. À cause de ces choses simples de la terre. Hallelujah. Hallelujah. And I say. Et j'ai dit. That in the message of the wedding rings. Dans le message des anneaux de mariage. In that mighty visitation of God Almighty. Dans cette grande visitation du Dieu Tout-Puissant. The God of Elijah and Moses. Le Dieu d'Élie et de Moïse. The God of our Lord Jesus. Le Dieu de notre Seigneur Jésus. That the message. Le message. The message is. Le message est. That when the wedding of the Lamb of God arrives. Quand les noces de l'agneau arrive. There is a celebration. Il y a une célébration. There is a felicitation. Il y a une grande félicité. There is a jubilation. Il y a un grand jubilé. There is a stop. Il y a un arrêt et un stop. Of all activities. C'est toute activité. In the kingdom of God. Dans le royaume de Dieu. You begin to understand. Tu commences à comprendre. That actually heaven has been waiting for that day. En fait, le ciel était en train d'attendre ce jour-là. What does that tell you about the gravity of that day? Qu'est-ce que cela veut vous dire sur la gravité de ce jour? That means. Ça veut dire. In the heart of the Father. Dans le cœur du Père. Remember. Rappelez-vous. Only the Father. Il n'y a que le Père seul. Knows the day. Qui connaît le jour. And the hour. Et l'heure. And the preparations. Et la préparation. Listen to me. Écoutez-moi. That means. Ça veut dire. That this conversation. Que cette conversation. That the Lord is having with the church. Que le Seigneur est en train d'avoir avec l'église. Focus on me, everybody. Attirez votre attention sur moi, s'il vous plaît. That means. Ça veut dire. That this conversation. Que cette conversation. That the Lord is having with the church. Que le Seigneur est en train d'avoir avec l'église. Is actually. Et en fait. The conversation, la conversation between God the Father, entre Dieu le Père, and the Church of Christ, et l'Église du Christ, because only He knows, parce que c'est lui seul qui connaît, When the wedding things are ready. Quand est-ce que les annonces étaient prêtes? Not even the son of man. Même le fils de l'homme ne sait pas. The Bible says very clearly. La Bible parle très clairement. Not even the angels. Même les anges ne savent pas. And I say that there is an instruction to the church. Il y a une instruction pour l'église. And we read from Revelation chapter 19. Et nous avons lu dans Apocalypse chapitre 19. Verses 6 verse 9. Verset 6 au verset 9. And you see that heaven comes to a stop. Et vous voyez que le ciel vient à un arrêt, à un stop. When will the fruit of the cross enter here? Quand est-ce que le fruit de la croix va rentrer ici? Do you understand the importance of your salvation? Est-ce que vous comprenez l'importance de votre salut? Do you really understand the importance of your salvation? Est-ce que vous comprenez réellement l'importance de votre salut? God depends on you. Dieu dépend de vous. That the day you will enter the kingdom of God. Que le jour où vous entrerez dans le royaume de Dieu. Then Jesus of Nazareth. Alors Jésus de Nazareth. Who was abused on the cross. Qui était abusé sur la croix. That day. Ce jour-là. You said. Il va dire. Finally the fruit of my work has arrived. Finalement, l'esprit de mon travail est arrivé. Do you understand your salvation? Est-ce que vous comprenez votre salut? Because. Parce que. If you don't enter, si vous n'entrez pas, that is it. C'est fini. He will be abused a second time. Il sera abusé une deuxième fois. And the devil will laugh. Et le diable va se moquer de lui. He will ask. Il va demander. So, alors, what was the importance of that cross? Quelle est l'importance de cette croix? The Father has sent me. Le Père m'a envoyé. To the four ends of the earth. Pour sur les quatre coins de la terre. To wake the church up. De réveiller l'église. Your salvation. Votre salut. Was purchased. A été racheté. At the high cost. À un grand prix. That is the meaning of the wedding ring. Ça c'est le sens des annonces de mariage. That means that day. Ça veut dire que ce jour-là is too critical for the kingdom of God. C'est très critique pour le royaume de Dieu. And I said that also means. Et cela veut dire aussi that in the church. Que dans l'église. That ought to be. Ça doit être the most important day in the calendar. Ça doit être le jour le plus important dans l'agenda. Hallelujah. Hallelujah. If it is so important to the Father, si c'est tellement important pour le Père, the kingdom of God, le royaume de Dieu, and yet, alors, I know the church belongs to the kingdom of God. Je sais que l'église appartient au royaume de Dieu. Then it ought to be important in the church. Alors, ça doit être aussi le jour le plus important à l'église. And that's why he sent me to France. C'est pourquoi il m'a envoyé en France. That you may stop the casual relationship. Que vous avez arrêté les relations habituelles que vous avez avec Dieu. That you may stop abusing the blood of Jesus. Que vous arrêtez d'abuser le sang de Jésus. And now take your salvation with fear and trembling. Que vous prenez votre salut avec crainte et tremblement. Because. Parce que. The Messiah. Le Messie. He depends on you. Il dépend de vous. I say that, hallelujah. Hallelujah. Listen to what I say. Écoutez ce que j'ai dit. What would Jesus have done? Qu'est-ce que Jésus aurait dû faire? What would the Lord have done? Qu'est-ce que le Seigneur aurait dû faire? If this church was not in France. Si cette église n'était pas en France. He would have been so poor. Il allait être très pauvre. He would have been so miserable. Il allait être très misérable. Because. Parce que. There would have been nobody. Il y aurait personne. To receive this most important word. De recevoir ce message très important. Why is this the most important word? Pourquoi celui-ci est la parole la plus importante? Because. Parce que. You can dance here for many years. Vous pouvez danser ici pendant plusieurs années. You can speak in tongues in for many years here. Vous pouvez parler en langue pendant plusieurs années ici. been worshipped for many years here. And kneel down for many years here. And pray for many years here. But if you don't enter the kingdom of God, all that is useless. That is why this is critical. That's why I told you it is so critical. I do not even need any offering from you. But I need you to remember Jesus. To remember the Lord. To remember the cross. To remember the poor Jesus. The suffering Messiah. And prepare for the kingdom. I need you to enter. That is the biggest gift. Ça, c'est le don le plus important. That you can give the Lord. Que vous êtes donné au Seigneur. And I say it, that every time there is going to be a wedding, que chaque fois qu'il va avoir un mariage, and the wedding rings are ready, et que les anneaux de mariage sont prêts, every time you want to wed, chaque fois que vous voulez vous marier, and you come to Pastor Moquet, et vous venez voir le Pastor Moquet, and you say, Pastor, we are now ready. Et vous dites, Pastor, nous sommes maintenant prêts. After everything has been done, après que tout a été fait, premarital counseling, le conseil prématrimonial, preparing the work, the house, the everything, préparer la maison, préparer les choses, the pastor will sit with you and discuss that. Le pasteur va s'asseoir avec vous, va discuter de ces choses-là. The biblical basis of marriage. La base biblique du mariage. The pastors will take some months talking to you about that. Les pasteurs auront le temps de vous parler de ces choses-là. After everything is done. Quand toute chose sera faite. And now you come to Pastor Moquet. Quand vous venez voir le pasteur Moquet. You come to your pastor, Pastor Denny, Pastor Philip, Denny. Vous venez chez le pasteur Moquet, Denny, Pastor Philip. Pastor Vanza. Pastor Vanza. And you come and say, Pastor, we are now ready. Et vous dites, Pastor, maintenant nous sommes prêts. The first thing he's going to ask you now, which is the last stage. La dernière chose qu'il va vous demander maintenant. Do you have the rings? Avez-vous les anneaux de mariage, les alliances? Have you found the rings? Est-ce que vous avez trouvé vos alliances? When you show the pastor the rings, quand vous montrez au pasteur vos alliances, he will say, ladies and gentlemen, il va dire, messieurs, dames, the wedding is ready. Les noces sont prêtes. That is what Jehovah is telling the church now. That the preparations for rapture have been finalized. Remember Jesus in John chapter 14. Verse 1 to verse 3. We are not reading that. But he said, trust in God. Croyez en Dieu. Trust also in me. Et croyez aussi en moi. Let not your heart be troubled. Et votre cœur ne se trouble point. Because I go to the Father. Parce que je m'en vais au Père. To prepare a place for you. Pour vous préparer une place. To prepare a place for you. Pour vous préparer une place. And he said, if I go to prepare a place for you, quand je vous aurai préparé une place, then I'll come back. Alors je reviendrai and take you. Et je vous prendrai. That you ought to be where. Afin que vous aussi vous soyez là où je serai. This vision of the wedding rings. Cette vision des anneaux de mariage. It means. Ça veut dire. That the place for the church. Que la place pour l'église. Has been prepared. A été préparée. What a blessed generation. Quelle génération bénie. That you have lived to hear this. Que vous avez fait pour entendre ceci finalement. Many have died Christians without hearing this. Plus de chrétiens sont morts sans entendre ceci. And I say. Et je dis. The most important revelation. La révélation la plus importante. From this visitation of God. Et cette visitation de Dieu. is in the book of Revelation chapter 19, Revelation 19. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 19. Verses 7 and 8. Verses 7 and 8. We are not reading them. Nous allons pas lire ça encore. And he said, indeed, the celebration in heaven, la célébration dans le ciel, takes place. A eu lieu. Why? Pourquoi? Because. Parce que the bride of Christ, l'épouse du Christ, the church of Christ, l'église du Christ, has finally made herself ready. A finalement a pu se préparer finalement. That is the reason for the celebration. Ça c'est la raison pour laquelle il y a célébration dans le ciel. And I say, et je dis, that means, ça veut dire, God is giving an instruction to the church. Dieu est en train de donner une instruction à l'église. That hey, hey, stop everything. Arrêtez tout ce que vous faites. And now prepare. Maintenant préparez-vous. When the wedding rings are ready, quand les anneaux de mariage sont prêts, there must be a wedding gown. Il doit avoir une robe de mariée. And he says, et il dit, the fine linen, que le fin linen, has been given her to wear. Lui a été donné de se revêtir. And he says, fine linen is the righteousness of the church. Il dit, le fin linen, c'est la justice de l'église. The holiness of the church. Ça, c'est la sainteté de l'église. Well, en fait, that means the Lord has sent me to France. En fait, Dieu m'a envoyé ici en France. To tell the church of Christ in France. C'est dire à l'église de Christ en France. To return to holiness. C'est retourner à la sainteté. Return to righteousness. Revenir à la justice. I am just setting a base here. Je suis juste en train de poser un fondement ici. That you may be one page with everybody else. En fait, tu es sur la même page avec tout le monde. And I said, et je dis, that the Lord is asking the church, que le Seigneur demande à l'église, to stop all the dancing and the gimmicks, d'arrêter toutes les danses et les gestes, and now to prepare in holiness, et maintenant de préparer dans la sanctification. And I said, et je dis, that just as the wedding rings are purified by fire, de la même façon que les anneaux sont purifiés par le feu, to remove the aluminium, d'enlever l'aluminium, the bronze, the silver, d'enlever le bronze et l'argent, that the gold may be good gold, afin que l'or qui va rester soit de bonne qualité, holy gold, un or qui est pur, gold that is worthy, un or qui a de la valeur, as worthy as the lamb, aussi précieux que l'agneau. That means the church too. Ça veut dire que l'église aussi. God is saying, Dieu est en train de dire, that the dispensation has come. Que la dispensation est arrivée. For you to purify your Christian life. Pour vous de purifier votre vie chrétienne. And that is where I want to begin from today. Alors c'est par là que je vais commencer aujourd'hui. Precious people. Précieux peuple. I'm going to summarize this. Je vais résumer ceci. And then move to the next conversation. Et avancer à la prochaine conversation. Turn with me today. Tournez avec moi dans vos Bibles. To the book of Zechariah. Dans le livre de Zacharie. Precious people. Précieux peuple. Zechariah chapter 3. Zacharie chapitre 3. The wedding gown. La robe des mariés. I like that. The robe. The robe. The robe for wedding. La robe pour le mariage. Hallelujah. Hallelujah. Zechariah chapter 3, precious people. Zacharie chapitre 3, précieux cœur. Write these scriptures down. Écrivez ces écritures. That you can fall back to them. Afin que vous puissiez vous rappeler de ces choses. Zechariah chapter 3. Zacharie chapitre 3. I am reading from verse 1. Je lis à partir du premier verset. He says, then he showed me Joshua. Il dit, il me dit, moi, Josué. The high priest. Le souverain sacrificateur. Standing before the angel of the Lord. Debout devant l'ange de l'éternel. And Satan. Et Satan. Standing on his right hand side. Il se tenait à sa droite. To accuse him. Pour l'accuser. Verse 2. Verset 2. The Lord said to Satan. L'Éternel dit à Satan. The Lord rebuke you, Satan. Que l'Éternel te réprime, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem. Que l'Éternel qui a choisi Jérusalem. Rebuke you. Te réprime. He is not this man. N'est-ce pas là? A burning stick. Un tisson arraché du feu. Snatched from the fire. Arraché du feu. Is not this man. N'est-ce pas cet homme? A burning stick. Un tisson. Snatched from the fire. Arraché du feu. Verse 3. Verset 3. Now Joshua was dressed in filthy clothes. Or Josué était couvert de vêtements sales. As he stood before the angel. Et il se tenait debout devant l'ange. If I were you, I would underline filthy clothes. Filthy. Si j'étais vous, j'allais souligner des vêtements sales. Les mots vêtements sales, j'allais les souligner dans ma Bible. Now Joshua was dressed in filthy clothes. Et Josué était couvert de vêtements sales. As he stood before the angel. Et il se tenait debout devant l'ange. The angel said to those who were standing before him, l'ange donna la parole dit à ceux qui étaient devant lui, take off his filthy clothes. Ôtez-lui les vêtements sales. Then he said to Joshua, puis il dit à Josué, see, vois, I have taken away your sin. Je t'enlève ton iniquité. And I'll put rich garment on you. Et je te revêt d'habits de fête. So you see, filthy clothes, rich garment. Vous voyez, habits sales et puis un habit de fête. Verse 5. Verset 5. Then I say, je dis, put a clean turban on his head. Remet sur sa tête un turban pur. So they put a clean turban on his head. Et mirent un turban pur sur sa tête. And they clothed him. Et lui mirent des vêtements. While the angel of the Lord stood by. L'ange de l'Éternel était là. Then the angel of the Lord gave the following charge to Joshua. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. This is what the Lord Almighty says. Ainsi parle l'Éternel des armées. If you will walk in my ways, si tu marches dans mes voies, and keep my requirements, et si tu observes mes ordres, then you will govern my house, tu jugeras ma maison, and have charge of my courts, et tu garderas mes parvis, and I'll give you a place among these ones standing here. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Everybody focus on me right now. Et tout le monde regarde à moi maintenant. What is the Lord speaking to you? Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire? Regarding the vision of the wedding rings. Concernant la vision des anneaux de mariage. In this very critical scripture. Dans cette écriture très importante. At this hour. À cette heure-ci. So you see very clearly. Alors vous voyez de façon très claire. That Joshua. Que Josué. Joshua, who is symbolic of Israel. Josué qui représente Israël. Joshua. Josué. Appeared before the Lord. Il est apparu devant le Seigneur. But when he appeared standing before the Lord. Alors quand il est apparu debout devant le Seigneur. The Hebrew meaning of standing before the Lord. La signification hébraïque de se tenir devant le Seigneur. The Hebrew understanding of standing before the Lord. La compréhension hébraïque de se tenir debout devant le Seigneur. Means to worship the Lord. Ça veut dire adorer le Seigneur. Means to minister to the Lord. Ça veut dire servir le Seigneur. Means to sacrifice unto the Lord. Ça veut dire offrir des sacrifices au Seigneur. And so Joshua appeared before the Lord. Alors Josué est apparu devant le Seigneur. But when he appears before the Lord. Mais quand il est apparu devant le Seigneur. He appears in filthy garments. Il est apparu avec des vêtements. And when he appears in the holy presence of God, in filthy garments, Satan also shows up. Why does Satan show up? I want you to look at your own personal life today. J'aimerais que vous regardiez à votre vie personnelle aujourd'hui. Regarding this scripture here. Concernant cette écriture ici. Regarding this revelation. Concernant cette révélation. I want you to examine your personal life based on this. Examinez votre vie personnelle sur ça. Joshua appears in filthy garments. Josué est apparu dans le vêtement sale. And Satan sees him. Et le diable l'a vu. Look, he is wearing my clothes. Regarde, il porte mes vêtements. Look, he is wearing my identity markers. Regarde, il porte ma marque d'identité. Sexual sin. Le péché sexuel. False prophecies. Les fausses prophéties. Witchcraft. La sorcellerie. Lies. Les mensonges. Deception. La déception. Every field. Toutes sortes de saletés. Love of money. L'amour de l'argent. Covetousness. La immorality, immoralization, jealousy, la jalousie, everything that belongs to the devil. Tout les choses qui appartiennent au diable. The devil put those marks on the garment. Le diable a mis toutes ces marques sur les vêtements. And so when Joshua appears, alors quand Jésus est apparu, Satan also appears. Le diable s'est apparu. And he begins to claim right over Joshua. Et le diable a commencé à réclamer des droits sur Josué. He said, "This man belongs to me." Il disait, cet homme appartient. You know that when you are in France, vous savez que quand vous êtes en France, you get a national identity card of France. Vous avez une carte d'identité nationale française. You get a passport of France. Vous avez un passeport français. That means you wear the identity of France. Ça veut dire que vous portez l'identité de la France. That means you speak French. Ça veut dire que vous parlez français. When you go into other countries to travel, quand vous voyagez dans un autre pays, and then something happens to you there. Et si quelque chose arrive là-bas, the government of France, le gouvernement de la France, will speak to the embassy of France there. Va parler à l'ambassade de la France dans ce pays-là. And they will come to you wherever you are in trouble. Quand on vient vous chercher où que vous soyez dans le problème. And they say, no, but this man is a French citizen. On dirait, mais non, cet homme, c'est un citoyen français. No, we need it back. Non, vous voulez le ramener. It belongs to us. Il nous appartient. Even if they say, oh, he has done this. Oh, même aussi, on dit que non, il a fait des choses ici. He said, no, let our two governments talk, but we need to protect our French citizens. Non, laissez que nos deux gouvernements puissent discuter, mais nous devons protéger notre citoyen français. Because you wear the identity of France. Parce que vous portez l'identité de la France. So when you wear the identity of the devil, alors quand vous portez l'identité du diable, he claims life over you. Il va réclamer des droits sur vous. He claims historic right. Il va réclamer des droits historiques. He claims legal rights. Il va réclamer des droits légaux. All rights over you. Tous les droits il va réclamer sur vous. And he says, il va dire, but look, he's wearing my marks. Mais regarde, il porte mes marques. Joshua appeared like that. Josué est apparu comme ça. And then, alors, the Lord, le Seigneur, the Lord gives a command, le Seigneur a donné un ordre, that take away his filthy garment, il a ordonné qu'on enlève les vêtements sales de Josué, and put a clean towel on his head, et de mettre un turban pur sur sa tête. After they put a clean garment on him, après qu'on a mis un vêtement pur sur lui, a rich garment, un vêtement de fête. Never ever again. Plus jamais, jamais encore. Do you find the devil claiming right? Qu'est-ce que vous voyez le diable réclamer des droits sur lui? It is as if he disappeared from there. C'est comme s'il a disparu de là. The church today. L'église aujourd'hui. Remember. Rappelez-vous. God was using this to talk to Israel. Dieu utilisait ceci pour parler à Israël. He was telling Israel. Il disait Israël. That look, regarde, you have been raised. Tu as été élevé. I have raised you. Je t'ai élevé. As a priestly nation. Comme une nation de sacrificateurs. I have raised you as a nation of priests. Je t'ai élevé comme une nation de prêtres. He raised Israel. Il a élevé Israël. As a priestly nation. Comme une nation de sacrificateurs. As a nation of priests. Comme une nation de prêtres. A nation of priesthood. Une nation de la prêtrise. And he was telling Israel. Et disait à Israël. Everybody listen to this. Que tout le monde écoute ceci. He was telling Israel. Il disait à Israël. That when you will come before me. Que quand tu viendras devant moi. And start worship me. Et que tu vas commencer à m'adorer. Worshiping Jehovah. Adorer Jehovah. Then all the other nations. Alors les autres nations. They will see. Ils vont voir. And it will make them. Et ça va les causer. Begin to worship Jehovah. Et commencer aussi à adorer Jehovah. In the same way. Dans la même manière, la même façon. A nation of priests. Une nation de prêtres. That when you worship, que quand vous adorez, everybody else here you begin to worship. Tous les autres qui sont autour de vous vont commencer à adorer aussi. You are teaching them how to worship. En fait, vous leur enseignez comment adorer. But, mais, you see very clearly here. Vous voyez très clairement ici. What do you see here? Qu'est-ce que vous voyez ici? You see that Israel. Vous voyez que Israël. They defiled their worship garment. Ils ont souillé les vêtements d'adoration. They defiled even the turban. Ils ont même souillé. expier. And that's why. C'est pourquoi Jehovah was speaking. He was saying, I am longing to restore you. Jehovah dit, mais je cherche à vous restaurer. Look how I'm longing to restore your priesthood. First Peter, somebody. And Pierre, s'il vous plaît. First Peter chapter 2. And Pierre chapitre 3. First Peter chapter 2. Premier Pierre chapitre 2. First Peter chapter 2, precious people. First Paul. Chapitre 2, verset 4. First Paul, listen to what he says. Chapitre 4. Chapitre 2, verset 4. Vous savez ce que ça veut dire? He says, as you come to him, il dit, approchez-vous de lui, the living stone, pierre vivante, rejected by men, rejeté par les hommes, but chosen by God, mais choisi et précieux devant Dieu, and precious to him, et précieux devant Dieu. You also, like living stone, et vous-même comme des pierres vivantes, are being built into a spiritual house, édifié pour former une maison spirituelle. Are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Again, he says here that as you come to him, you also, vous aussi, are being built into this spiritual living house, living stone. Vous êtes aussi bâti comme une pierre vivante dans cette maison. He is the living stone. Lui, il est la pierre vivante. But when you come to him, et quand vous venez à lui, you also are being built into a spiritual living stone. Vous aussi, vous êtes bâti comme une pierre vivante spirituelle. Built into a spiritual house. Baptisant une maison spirituelle. To be a nation, a people of priesthood. De devenir une nation, un peuple de sacerdotes. Offering spiritual sacrifices. D'offrir des sacrifices spirituels. Acceptable to God. Qui sont acceptables à Dieu. Through Christ Jesus. Par Jésus-Christ. Listen to what he says. Écoutez ce qu'il dit encore. See, I lay a stone in Zion. Voici, je mets à Sion une pierre. A chosen and precious cornerstone. Une pierre choisie, précieuse, une pierre angulaire. And the one who trusts in him, et celui qui croit en elle, will never be put to shame. Ne sera point confus. Now to you who believe, l'honneur étant pour vous qui croyez, this stone is precious. Cette pierre est précieuse. But to those who do not believe, mais pour les incrédules, the stone the builders rejected, la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient, has become the capstone, est devenue la principale des angles, and a stone that causes men to stumble, une pierre d'achoppement, a rock that makes them fall, et un rocher de scandale. They stumble because they disobey the message. Ici, un temps pour avoir battu à la parole. Which is also what they were destined for. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Verse 9 is very critical. Le verset 9 est très critique. But you are a chosen people. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue. A royal priesthood. Un sacerdoce royal. A holy nation. Une nation sainte. A people belonging to God. Un peuple à qui? That you may declare the praises of him who called you. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Out of darkness, les ténèbres, into his wonderful light, à son admirable lumière. Once you were not a people, vous qui étiez autrefois, but now you are a people of God. Pas un peuple qui maintenant est le peuple de Dieu. Once you have not received mercy, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, now you receive mercy, et maintenant avez obtenu miséricorde. I want to end there. Je vais m'arrêter là. That is tremendous. Ça c'est extraordinaire. That means, ça veut dire, even the church, que même l'église, you were called, vous avez été appelé, to be a nation of priesthood, d'être une nation de sacerdotes, a holy people, un peuple saint, that you may give praises to our God in heaven, afin que vous puissiez donner louange à notre Dieu dans le ciel. That when you sacrifice before the Lord, les autres, quand vous offrez des sacrifices devant Dieu, the other nations will see. Les autres nations vont voir. Ha, they will then begin to worship God. Alors ils vont aussi commencer à adorer Dieu. You will teach them to worship God. Vous allez leur enseigner à adorer Dieu. But today, mais aujourd'hui, the church. Qui voyez-vous dans l'église? Everybody is an infant. Tout le monde est comme un enfant. Everybody is a baby. Tout le monde c'est comme un bébé. Ah, pastor, the devil touched my husband again. Ah, pasteur, le diable a touché mon mari. Ah, pastor, the devil touched my finances again. Ah, pasteur, le diable a touché mes finances. Ah, now he's touching my car. Ah, maintenant il est en train de toucher ma voiture. The church, l'église. The church in France, l'église en France. You have been made a baby perpetually. Vous êtes perpétuellement resté un bébé. The Lord said, le Seigneur a dit, resist the devil, he will flee away. Résistez au diable et il sera loin de vous. But when you are baby, mais quand vous êtes un bébé, you cannot, vous ne pouvez pas résister. Crying, crying, crying, just feeding on milk, all the time. Juste manger, boire du lait à tout moment. You cannot grow on milk. Vous ne pouvez pas grandir en prenant seulement du lait. Milk is for a short time. Le lait c'est pour un temps court. After that, you have to start giving the baby some solid food to grow. Après cela, vous devez donner à un bébé la nourriture solide afin qu'il grandisse. Jesus of Nazareth. Jésus de Nazareth. His father. Son père. Has sent me. M'a envoyé. To tell you that the wedding is near. De vous dire que les noces sont proches. But. Mais. He is not coming to marry a baby. Mais il n'est pas pour épouser un bébé. He's coming for a mature bride. Il vient pour l'épouse qui est mature. Do you look like a mature bride today? Est-ce que vous ressemblez à une épouse mature aujourd'hui? If you look at your life today, si vous regardez votre vie aujourd'hui, do you see a mature bride of Christ? Est-ce que vous voyez une épouse mûre pour le Christ? All the time falling to sin, crying. Pleurez, tomber dans le péché, pleurez, tomber dans le péché, pleurez. He has sent me. Il m'a envoyé. To tell you, time is out. Je vous dis que le temps est fini maintenant. He is coming for mature and perfect bride. Il vient pour l'église mature et parfaite. The bride of Christ. L'épouse du Christ. And so you see, en fait, vous voyez, in the same way, dans la même façon, Israel made their turban filthy. L'Israël a rendu son turban impur. The church in Europe, l'Église en Europe, has also made the clothes filthy. Il a rendu son vêtement sale, and the turban filthy. Et le turban sale. In fact, en fait, the turban that the church is wearing in Europe, le turban que l'Église porte ici en Europe, nobody can receive the Lord when they look at you. Personne ne peut recevoir le Seigneur quand on vous regarde comme vous êtes. They will not take Jesus when they see your life. Quand ils voient votre vie, ils ne veulent même pas recevoir Jésus-Christ. With all that pornography. Avec toute cette pornographie. You cannot be a deliverer until you have been delivered. Vous ne pouvez pas délivrer les autres jusqu'à ce que vous soyez délivré vous-même. When they look at your life, they don't want Jesus. Quand ils regardent votre vie, ils ne veulent même pas de ce Jésus. Because your life is full of lusting at women with your eyes. Parce que votre vie est remplie de convoitises des femmes dans vos yeux. You go to church to lust after worshiping. You are looking at that woman, that woman. Vous venez à l'église pour convoiter les femmes qui sont à la chorale. Regardez à cette femme là-bas. When they see that the Eastern religions, the Muslims and Hindus cannot come to Jesus. C'est pourquoi vous voyez que la religion de l'Orient, les musulmans et les hindous ne peuvent pas venir au Seigneur Jésus-Christ. Your turban is filthy. Votre turban est sale. If your wife tells them how you are watching pornography every night, they say we don't want that religion. Si votre femme leur dit que vous dites leur vie comment vous regardez la pornographie chaque nuit, alors elle vous dit nous ne voulons pas de cette religion-là. When the other religions, quand les autres religions, when the non-Christians, Christians in France, quand les non-chrétiens en France, when they look at the way your daughters are dressed, quand ils regardent comment vos filles s'habillent, they don't want that God. Ils ne veulent pas même de ce Dieu-là. They don't want. They say, no, no, leave us alone. Il dit non, non, non, non, on veut pas les étudier. Laissez-nous tranquille. You want my daughter dressed like prostitutes like that? Vous voulez que ma fille s'habille comme une prostituée comme ces gens-là? I don't want. Je veux pas. The other religions, les autres religions, they are dressed even more holy than the church. Ils s'habillent même plus saintement que l'église. That's why lesbians can even claim right in the church. C'est pas même les lesbiennes peuvent réclamer des droits même dans l'église. That's why homosexuals can claim right in the house of Jehovah. Pourquoi même les homosexuels peuvent réclamer des droits dans la maison de Jéhovah? Because the church, parce que l'église, has lost her priesthood, a perdu son sacerdoce. And yet, en fait, that power, cette robe, that is also the wedding gown. C'est aussi la robe de mariée. Listen to me. Écoutez-moi. In Matthew chapter 22, dans Matthieu chapitre 22, Jesus himself spoke about the wedding of the Lamb. Jésus lui-même a parlé sur les noces de l'agneau. Matthew 22 verses 1 to 14, write it down. Matthieu 22 verset 1 à 14, écrivez cela. And he says, the kingdom of God is like a king who prepared a wedding banquet for his son. Et il dit, le royaume de Dieu ressemble à un roi qui a préparé un banquet de noces pour son fils. And when he sent the messenger to tell that one who was invited to the wedding that the fat and cattle have been butchered, that the dinner has been prepared, that the banquet is ready, they refused. Et quand le roi a envoyé ses serviteurs pour inviter ceux qui étaient invités, pour leur dire que tous les veaux gras sont tués, les banquets étaient tout est préparé, venez aux noces, et ils ont refusé. Then he told them to cut the streets. Alors il a dit d'aller dans le ring. And they found some people there. Alors dans le ring, ils ont trouvé quelques personnes là-bas. And when they found some people there, et quand ils ont trouvé des personnes là-bas, they brought them in. Ils les ont amenés à l'intérieur. But inside was one who was not wearing the wedding gown. Mais durant la fête, il y en avait quelqu'un qui n'avait pas la pile de fête. Now you understand the importance of my coming here. Vous allez comprendre maintenant l'importance de ma venue ici. Among those who were invited, parmi ceux qui étaient invités, one of them was not wearing the wedding gown. L'un d'eux n'avait pas la pile de fête. Matthew 22, I need to read this for you. Je vais lire ça pour vous. Matthieu chapitre 22. When I'm done, I am done. Parce que quand je finis, j'ai fini. So I can tell the Lord I did it well. Comme ça, je dis au Seigneur, je l'ai fait de façon très bien. Verse 11. Verset 11. But when the king came to see the guests, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. He noticed a man there who was not wearing wedding clothes. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. He said, friend. Il dit, mon ami. He asked, comment? How did you get here without wedding clothes? Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Then you see the importance of my coming here. C'est comme ça que vous voyez l'importance de ma venue ici. In Hebrews chapter 12, dans Hébreux chapitre 12, verse 14, verset 13, he says, il dit, make every effort, faites tout votre effort, to live in peace, de vivre en paix, with all men, avec tous les hommes, and to be holy, et d'être saint. But he says, et puis il dit, for without holiness, car sans la sanctification, nobody will see the Lord. Personne ne verra le Seigneur. Now you begin to understand why he sent me here. Vous allez maintenant commencer à comprendre pourquoi il m'a envoyé ici. He sent me to tell you, please prepare for the wedding. Il m'a dit, s'il vous plaît, préparez-vous pour les noces de l'agneau. This church, cette église, this is the most important church in France. C'est la église la plus importante ici en France. As far as God is concerned, aussi longtemps que Dieu est concerné, this is the only church. Ça, c'est la seule église. If there are other churches, s'il y a d'autres églises, why did they come to listen to this? Pourquoi elles ne sont pas venues pour écouter ceci? And I say, when I go through my list, et je dis que quand je vais parcourir ma liste, the list of countries, la liste des pays, when I meet France, quand je vais voir les noms de la France, I put a tick. J'ai marqué un crochet. And then the Lord, I have been there. I've warned them. Je dis que je suis allé là-bas, Seigneur, et je les ai avertis. I have told them you are coming. Je leur ai dit que tu es en train de venir. I know they will prepare now. Je sais qu'ils vont maintenant se préparer. As far as I'm concerned, aussi longtemps que je suis concerné, as far as the Lord is concerned, aussi longtemps que le Seigneur est concerné, only those who can go that He is. Que ceux qui sont venus sont ceux qui lui appartiennent. The ones who are out there, they are still belonging to somebody else. Ceux qui sont dehors là-bas, ils appartiennent à n'importe qui, quelque part. And he cannot force anybody. Il ne peut pas forcer n'importe qui. And he said there will be a remnant. Il a dit il y aura un reste. There will be a remnant. Il y aura un reste. He says the road is a narrow road. Il dit la voie c'est une voie étroite. And there are few people walking there. Et il y a très peu de gens qui empruntent cette voie. And that's why you see today instead of drinking wine in Paris. C'est pourquoi aujourd'hui on dit d'aller prendre le vin à Paris. Instead of walking and enjoying Paris, the Eiffel Tower. On est de parti se promener à Paris, la Tour Eiffel. And walking the streets of Paris. Et de marcher dans les rues de Paris. It's a holiday weekend. C'est un week-end de fête. Taking pictures. De prendre des photos. Eating in the restaurants. Et manger dans les restaurants. You are seated here. Mais vous, vous êtes assis ici. It is a narrow road. C'est une voie étroite. And listen to this. Écoutez ceci. And only few people will find it. Il y a que très peu de gens qui vont trouver cette voie étroite. Lord will go there. You have to look for it and find it. Tu dois chercher cette voie et tu dois la trouver. That's why we are not even on TBN. C'est pourquoi nous ne sommes même pas sur TBN. That's why we're not on Global Christian TV. Because it is meant to be hidden. Parce que ça a été fait pour que ça reste caché. To only those who seek shall it be revealed to. Ça va se faire révéler à ceux qui le cherchent. It is another road. C'est un chemin étroit. But the wedding gown. Que la robe est mariée. You cannot enter the wedding of the Lamb. Tu ne peux pas rentrer dans les noces de l'agneau. Without the wedding gown. Sans avoir la bille de noces. And we saw that the wedding gown. Que la bille de noces. Is the holiness of the church. C'est la sainteté de l'église. Pastors. Pasteur. Change your sermon. Changez vos sermons. Change your preaching. Changez vos prédications. Change your messages. Changez vos messages. Begin preaching the holiness of Jesus. Commencez à prêcher la sanctification de Jésus. Begin preaching the holiness of the church. Commencez à prêcher la sainteté de l'église. Let us turn away from prosperity. Détournons-nous de la prospérité. What is the point of gaining the whole world? Quel est le point de gagner le monde entier? And then lose your soul. Et de perdre votre âme. And that's why we met with my team at night. My tears, my heart was very heavy still. Mon cœur était toujours très très lourd. Because I was very touched. Parce que j'étais tellement touché. And I said, Lord. J'ai dit, Seigneur. Now this minority, this is your best bride. Maintenant cette petite minorité, c'est ta meilleure épouse. You must be a humble God. Tu dois être un Dieu qui est très humble. When time comes for you to go and prepare your church. Quand le temps vient pour toi d'aller et de préparer ton église. When time comes when you need an ear to listen to you. Quand le temps vient où tu as besoin qu'une oreille puisse écouter de ta part. It is this one that appeared. Mais ce sont seulement ceux-ci qui sont apparus. And I said, you must be a very humble God. Et je dis, tu dois être un Dieu qui est très humble. In fact, and then you sent me to her. Et en fait, tu m'as envoyé vers cette église-là. What a love. Quel amour. Amen. He must be a humble God. Il doit être un Dieu humble. Remember the Bible says. Rappelez-vous que la Bible dit. The Israelites cried. Les Israélites ont crié. Cried out to God. Ils ont pleuré à Dieu. And their cry reached the Lord. Et leur cri a touché le Seigneur. And he sent them the prophet. Alors il leur a envoyé le prophète Moïse. Am I here to preach the truth? Est-ce que je suis là pour prêcher la vérité? I preach the truth of God. Je prêche la vérité de Dieu. You are the bride of Christ. Vous êtes l'épouse de Christ. Your salvation is very critical to the kingdom of God. Votre salut est très important pour le royaume de Dieu. Dieu. Stop the sexual sin. Arrêtez les péchés sexuels. And he was showing me the youth. Et hier, il m'a montré les jeunes. Even today. Même aujourd'hui. The youth. Les jeunes. In sexual sin. Dans les péchés sexuels. The youth in the church here are in sexual sin. Les jeunes dans l'église ici sont dans les péchés sexuels. Pornography. Dans la pornographie. And actually I saw one of them is smoking. I don't know which one is smoking. Et même j'ai vu l'un d'entre eux était en train de fumer la cigarette. One of you is smoking. L'un d'entre vous est en train de fumer. I think you are going to sit on this side. You are around there. J'ai vu que vous étiez de ce côté, si vous devez quelque part là. You are worshiping Jehovah. Vous adorez Jehovah. And I've seen some of them from school and they met. Et j'ai vu certains d'entre eux qui se sont rencontrés à l'école. And he showed me their school uniform. They met the boy and the girl. Il y avait les garçons, les filles se sont rencontrés à l'école. J'ai vu leurs uniformes. And I listened to the conversation. Et j'ai même entendu leur conversation. Don't fool with God. Ne vous amusez pas avec Dieu. If your pastor did not teach you holiness, si votre pasteur ne vous a pas enseigné la sainteté, this is the moment to return to holiness. Ça c'est le moment de retourner à la sanctification. Without holiness, you will not see the kingdom of God. Sans la sanctification, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. He said, when you are standing here preaching, on this side someone is smoking. Il m'a dit que quand vous allez vous mettre devant en train de prêcher, de côté droit, il y aura quelqu'un qui serait en train de fumer. And I heard the other one, he met the girl from school. Et j'ai entendu l'autre, il a rencontré la fille à l'école. And they were talking sexual sin and planning. Et ils sont en train de planifier les péchés sexuels. That is the abortions. Ça c'est l'abomination. The abortions. L'avortement. That is the pregnancies. That is the abortion you see in the church. Ça c'est l'avortement que vous voyez dans l'église. That is the pregnancies in the church. Ça c'est la grossesse dans l'église. That is the preaching of condoms in the church. Ça c'est la prédication des préservatifs à l'église. The church must now clean up. L'église doit maintenant nettoyer. How can you worship here when you are smoking and you are in immorality? Comment pouvez-vous adorer ici quand vous êtes dans l'immoralité et vous fumez? In heaven, dans le ciel, there is no modern Christian. Il n'y a pas de chrétien moderne. But there will be a holy Christian. Et il y aura un chrétien saint. With sin, avec le péché, with sin, you will not enter heaven. Avec le péché, tu n'entreras pas dans le ciel. Hallelujah. Let us move on, precious people. Avançons, précieux peuple. I want to discuss the next conversation. Je vais discuter avec vous la prochaine conversation. I sent out a message across the globe. J'ai envoyé un message au travers du monde. After this visitation of the wedding rings, après cette visitation des anneaux de mariage, and I gave the title to that DVD. J'ai mis le titre sur ce DVD. I said special announcement to the church. J'ai dit annonce spéciale pour l'église. The Messiah is coming, prepare the way. Le Messie revient, préparer le chemin. And I said to most of the evangelists on earth, we try to reach as much as our hands. J'ai envoyé à tous les évangélistes du monde. On a essayé de les joindre tous. And we sent by DHL and FedEx. Nous avons envoyé par FedEx, par DHL. To make sure they sign and we can see the computer he received. Pour être sûr qu'ils ont signé et que nous avons sur notre tête, ils ont reçu cela. So I can wash my hands. Afin qu'ils puissent laver mes mains. 25 days after that. 25 jours plus tard. Then the Lord spoke with me about the rapture again. Alors le Seigneur parlait à nouveau avec moi sur l'enlèvement de l'église. What did the Lord share with me? Qu'est-ce que le Seigneur m'a montré? It was about 5 a.m. C'était à peu près vers 5 heures du matin. And then he lifted me up above the earth. Alors il m'a soulevé au-dessus de la terre. Then I saw the earth. Alors j'ai vu la terre. And when I looked at the earth, et quand je regardais la terre, I saw as if an earthquake had hit the earth. Je regardais, je voyais comme si le tremblement de terre avait frappé la terre. Because there was a lot of dust and the soil was jumping from the sun. Parce qu'il y avait beaucoup de poussière, il y avait beaucoup de sol qui montait par dans l'espace. And when I looked, et quand je regardais, I finally saw, j'ai finalement vu, people coming from under the graves. Les gens qui sortaient en dessous de leur tombe. Coming from their graves. Ils sortaient de leur tombe. And they were wearing glorious bodies. Et portaient un corps glorieux. And they were being pulled into the glory of the Lord. Et ils étaient attirés dans la gloire de Dieu. And when they were being pulled from the graves. Quand ils étaient attirés de leur tombe. There was so much dust. Il y avait tellement de la poussière. There was so much dust. Il y avait tellement de poussière. And the dust was mixed with the glory. Et la poussière était mélangée avec la gloire. The more they went up, mais plus ils montaient, the more they were in the pure glory of God. Le plus ils rentraient dans une gloire pure de Dieu. And then they joined the glory of the Lord. Après plus ils ont rejoint la gloire de Dieu. And heaven opened. Et le ciel s'est ouvert. And they entered heaven. Et ils sont rentrés dans le ciel. And then the voice said. Et puis la voix a dit. And the majority of them. Et la majorité d'entre eux. Have remained in the dust. Et rester dans la poussière. Under the earth. Sous la terre. And then the voice said again. Et la voix dit encore. Go tell these people. Va dire à ce peuple. To prepare for the coming of the Lord. De se préparer pour la venue du Seigneur. What is the message of the Church of Christ in France? Quel est le message pour l'Église du Christ en France? In that visitation of God. Dans cette visitation de Dieu. Number one. Premièrement. Remember Joseph. Rappelez-vous de Joseph. When he was in Egypt. Quand il était en Égypte. He suffered. Il a souffert. Until he was even put in jail. Jusqu'à ce qu'il avait, il était mis en prison. When Joseph was put in jail. Quand Joseph était mis en prison. The king had a dream. Le roi a eu un rêve. And nobody was found. Et il n'y avait personne qui était trouvé. Who could interpret the dream? Qui pouvait interpréter le rêve du roi. And the king was very disturbed. Alors le roi était très tourmenté. Because he saw one dream. Parce qu'il a vu un rêve. And then he saw another one immediately. Et puis immédiatement il a vu un deuxième. The fat corn. Le maïs. And then the dream of the bulls. Et puis le rêve de bœuf. The cows. Les vaches. So he was disturbed because it came and then he came another time. And so when Joseph appeared to interpret the dream, alors quand Joseph est apparu pour interpréter le songe, God Almighty, the God of heaven, le Dieu tout puissant, le Dieu des cieux, he told Joseph, il a dit à Joseph, go tell the king, va dire au roi, that the reason the dream was given twice, la raison pour laquelle le rêve a été donné deux fois, in two different forms, c'est en deux formes différentes, is because the God of heaven, c'est pour, parce que le roi, le Dieu des cieux, he has made up his mind, il a arrêté sa décision, he has decided, il a décidé, that thing, que cette chose là, must happen, doit arriver, and soon, et bientôt. Alléluia. Alléluia. And so you begin to understand. Alors vous commencez à comprendre. The first time the wedding meets. La première fois c'était les anneaux de mariage. Second time the rapture of the dead. La deuxième fois l'enlèvement des morts. That means God is saying. Que Dieu t'a dire, I have made up my mind. J'ai pris ma décision. The rapture of the church. L'enlèvement de l'église. Is going to take place. Ça va arriver. And very soon. Et très vite. Now listen to this. Maintenant écoutez ceci. I told you. Je vous ai dit. There is nothing the Lord speaks. Il n'y a rien que Dieu dit. Talks about. Que Dieu en parle. That you don't find in the Bible. Que vous ne trouvez pas dans la Bible. So turn with me the book of Daniel. Alors tournez avec moi le livre de Daniel. Daniel chapter 12. Daniel chapitre 12. That is where the revelation is to the Church of Christ in France. C'est là qu'est la révélation pour l'Église de Christ en France. What a loved church. Quelle église aimée. By the way, en fait, let me show you how much the Lord loves you. Laissez-moi vous montrer combien Dieu vous aime. Because, parce que, the only thing the Lord wants me to do, la seule chose que le Seigneur veut que je puisse faire, is to walk into a country, c'est de marcher dans un pays, and stand at the altar, et de me tenir à l'autel, and say, prepare the way, et dire, préparez le chemin. I see the land of God coming. Je vis la gloire de Dieu venir. Those who have ears, que ceux qui ont les oreilles, let them listen, qu'ils écoutent. And you shall know, et vous saurez, and the mouth of the Lord, que la bouche du Seigneur, he has spoken, a parlé. Then I leave it. Alors je quitte le pays, je m'en vais. That's the only thing the Lord demands of me. Ça c'est la seule chose que le Seigneur demande de moi. But to teach it like this, mais de l'enseigner comme je fais ici. Ah, that's a lot of love. Ça c'est beaucoup d'amour. God has loved you. C'est que Dieu vous aime beaucoup. Because there are many nations that are not yet reached. Parce qu'il y a beaucoup de nations qui n'auront pas encore arrivé à toucher. And this message. Et ce message. By the way, let me just mention this. Laissez-moi mentionner ceci. This message has brought forth a tremendous revival in many countries now. Ce message a amené un grand réveil dans plusieurs nations maintenant. Both in South America, Africa, and Asia. En Amérique latine, en Afrique et en Asie. In Kenya, au Kenya. When you call for a meeting, quand vous appelez pour une réunion, more than 2 million, plus de 2 millions, 1 million is a lot of people. 1 million c'est beaucoup de personnes. Again, 1 million is a lot of people. 1 million c'est beaucoup de personnes. When we took the biggest public address system, quand nous prenons le système de son le public le plus important, 1 million the people at the end could not hear. 1 million personnes, les gens qui sont au fond, ne peuvent même pas entendre. But 2 million we cannot even handle. Mais 2 millions ne pouvaient même pas nous supporter cela. Some people could not hear, they were just in the presence of the Lord. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent même pas écouter, mais ils étaient seulement dans la présence de Dieu. And he healed them, delivered them. Et les guérit, les délivre. And when you call for who wants to receive the Lord, et quand tu demandes qui veut recevoir le Seigneur, every hand is lifted up, millions receiving Jesus. This message has a potential for revival. Ce message a un potentiel pour le réveil. This week, cette semaine, I baptized the Prime Minister of the Republic of Kenya. J'ai baptisé le Premier ministre de la République du Kenya. He received Jesus of Nazareth. Il a reçu Jésus de Nazareth. This message. Ce message. Don't play with this message. Ne jouez pas avec ce message. It will win the nations plus their kings to Jesus. Ça va gagner les nations plus les rois à Jésus. That's why. C'est pourquoi. That is a lot of love. Ça c'est beaucoup d'amour. That he can send me and allow me to talk about it. Il peut m'envoyer, il me permet même d'en parler comme je fais. What is the revelation from the vision of the rapture of the dead? Quelle est la révélation sur la vision de l'enlèvement des morts? Without you, sans vous, Jesus has no bride in France. Jésus n'a pas d'épouse en France. Lord, but I was also in the church in France, in another church. Oh, Seigneur, j'étais aussi dans une église en France, dans une autre église. Ah, really? Ah oui, en fait. Then why did you come when I was warning about the coming of the king? Mais pourquoi tu n'étais pas là quand j'ai avertissé sur la venue du roi? You were just out there. J'étais juste dehors là-bas. When time came for me to speak to the bride of my son. Quand le temps est venu pour moi de parler à l'épouse de mon fils. You were not there. Tu n'étais pas là. Oh. Oh. That's why he said, mon ami. C'est pourquoi il dit, mon ami. Meaning my friend. En disant mon ami. That is the church. Ça c'est l'église. He said, mon ami. Il a dit, mon ami. Where is your wedding gown? Où est ta robe de noces? Mon ami, because he knew they were friends. Il savait qu'ils étaient des amis. That is the church. Ça c'est l'église. I was out there in another church. J'étais dehors là-bas dans une autre église. But when the moment has arrive. For me to announce the coming of the Messiah. Pour moi d'annoncer la venue du Messie. You were not there. Vous n'étiez pas là. Wow, then I don't know him. Alors moi je ne connais pas.